Chapitre 12e, les débuts d'une prospectrice. À peine débarquées du bateau qui les avait amenées, les deux cousines s'étaient hâtées de se rendre à l'hôtel de Dawson. Accueillies d'une manière paternelle par le docteur Wilcox, Edith prit immédiatement son service sans plus de gêne ni de trouble que s'il l'avait quitté de la veille. Pendant ce temps, Jane, allant droit à son but, retirée au bureau de l'administration un permis de chasse, pêche et mine, qui lui fut délivré en échange d'une somme de $10, parcourait la ville de Dawson et se procurait rapidement l'équipement et le matériel du prospecteur. À midi, c'était chose faite. Elle revenait alors à l'hôpital, transformée de la tête aux pieds. Ses cheveux noirs réunis au sommet de la tête et dissimulés sous un vaste chapeau de feutre, chaussée de gros souliers fortement encloués, vêtue d'une blouse et d'un pantalon rude et solide étoffe, elle avait perdu toute apparence féminine et ressemblait à un jeune et alerte garçon. Les deux cousines déjeunèrent ensemble. Puis, sans rien manifester de l'émotion qu'elles éprouvaient en réalité l'une et l'autre, elles s'embrassèrent comme de coutume, et tandis qu'Edith retournait à ses malades, Jane se mit résolument en route vers l'aventure et l'inconnu. Au cours de ses achats, elle s'était renseignée, en interrogeant les uns et les autres. De la moyenne des indications recueillies, il résultait qu'elle n'avait aucune chance de succès vers le sud et vers l'est. C'est dans ces directions que se rencontraient les régions les plus riches et par suite les plus courues. Elle pourrait les sillonner longtemps avant de trouver un coin inexploité, capable de la payer de ses peines. Vers l'ouest, au contraire, les rios et les criques étaient moins connus et la concurrence y était moins âpre. Peut-être, dans cette direction, lui serait-il possible de s'assurer la possession d'un claim jusque-là négligé, sans s'éloigner outre mesure de la ville. Jane Edgerton, s'enfuyant à son heureuse étoile, quitta Dawson par l'ouest et, pic et bissac sur l'épaule, descendit la rive gauche du Yukon. Où allait-elle ainsi? En vérité, elle-même n'en savait rien. Elle marchait droit devant elle, ayant pour tout plan le projet bien arrêté de remonter la première rivière de quelque importance qui couperait le chemin et d'en explorer soigneusement les rives. Vers 5 heures du soir, aucun rio ne s'étant encore rencontré qui méritait un autre nom que celui de ruisseau, Jane, un peu lasse, fit une courte halte et entama ses provisions. Jusque-là, elle n'avait aperçu âme qui vive depuis la dernière maison de la ville. Le pays autour d'elle était silencieux et semblait désert. Son frugal repas terminé, elle alla se remettre en marche quand une voiture venant de Dawson City déboucha sur le chemin et s'approcha rapidement. C'était une simple carriole, moins encore, une véritable charrette de paysan recouverte d'une bâche en toile et traînée par un cheval vigoureux. Sur la banquette suspendue par des cordes au-dessus de l'essieu, un gros homme et visage rubicond et jovial s'étalait en faisant gaiement claquer son fouet. Une montée assez raide commençant à cet endroit, force fut à la voiture de se mettre au pas. Jane entendit derrière elle le cheval frapper le sol d'un sabot ralenti et les roues grincer à une distance qui lui paraît demeurer invariable. Une voix, un peu épaisse, peut-être, mais joyeuse, l'interpella tout à coup. « Hé, petiot, disait la voix, que fais-tu par ici ?» À ces mots prononcés dans un anglais très intelligible, mais d'une incorrection puissamment comique pour une oreille anglo-saxonne, Jane se retourna et toisa son interlocuteur avec tranquillité. « Et vous ? » dit-elle. La bouche du gros homme se fendit en un large sourire. « Bon Dieu ! » s'écria-t-il, en aggravant son accent étranger d'un violent accent marseillais. « Tu n'as pas froid aux yeux, mon jeune coq ? Voyez-vous ce toupet d'interroger les passants ? Seras-tu de la police, mon pitchoun ? Et vous ? » dit encore Jane Edgerton. « Et vous ? » répéta plaisamment le conducteur de la charrette. « Et tu ne sais donc dire que ça, gamin ? Ou bien peut-être faudrait-il être présenté à monsieur ? Pourquoi pas ? Répliqua Jane, souriant à demi. Rien de plus simple, affirma le joyeux personnage, en excitant son attelage d'un léger coup de fouet. J'ai l'honneur de te présenter Marius Rouvert, le plus important négociant de Fort Kedahi. À ton tour maintenant, pas vrai ? Jean Edgerton, prospecteur. La charrette était arrêtée net. Marius Rouvert ayant involontairement tiré sur les guides dans l'excès de sa surprise, il les lâchait maintenant et se tenait les côtes en riant à gorge déployée. « Prospecteur » bégayait-il au milieu de son rire. « Prospecteur, pécaire ! Tu veux donc te faire manger par les loups ? Et depuis combien de temps es-tu prospecteur, comme tu dis ? Depuis 3 heures, répondit Jane Edgerton, rouge de colère. « Mais voilà plus de 2 mois que je suis en route pour arriver jusqu'ici. Je n'ai pas été mangé, il me semble. »« Juste, » reconnut le grand Marius en redonnant sérieux. « C'est vrai qu'il est venu jusqu'ici, ce petit. N'empêche que tu as choisi là un fichu métier. » « Le pauvre. Tiens, ta figure me revient. Tu me plais. bien que tu te redresses un peu trop sur tes ergots. J'ai justement besoin d'un commis, et si tu veux la place, voilà qui vaudrait mieux que la prospection. Commis ? Interrogea Jane. Commis de quoi ? De tout, affirma Marius Roubert. Je fais tous les commerces. Mon magasin, ma voiture même, contiennent absolument de tout. Tu ne pourras t'imaginer ce qu'il y a dans ces caisses-là. Fils, aiguilles, épingles, ficelles, jambon, papier à lettres, saucissons, corsets, conserves, jarretières, tabac, vêtements d'hommes et de femmes, casseroles, chaussures, etc. Un vrai bazar. Dans ce carton, c'est un chapeau de forme, le seul qui existera à Fort Kedai. Je le louerai à chaque mariage, et il me rapportera 1000 fois son prix. Il faudra qu'il aille à toutes les têtes, par exemple. Dans cet autre, c'est une robe de bal, et décolletée, et de la dernière mode de Paris, mon cher. On vend ces choses-là, ici. Si je vends ma robe, viseur de moi, on se l'arrachera. Celui qui aura trouvé la première grosse pépite l'offrira à son épouse, afin qu'elle écrase les autres de son luxe dans les soirées dansantes de Fort Kedai. Mais ça, c'est de la fantaisie. Le sérieux est là, dans ses autres caisses. Champagne, brandy, whisky, etc. J'ai beau en faire venir, il n'y en a jamais assez. Voyons, ma proposition te convient-elle ? 4 $ par jour, nourri et logé. Non, monsieur, répondit franchement Jane Edgerton. Je vous remercie, mais je veux suivre mon idée. Mauvaise idée, petitot, mauvaise idée, affirma Marius Roubert avec conviction. La prospection, ça me connaît. Je peux t'en parler pour l'avoir pratiqué. Vous avez été prospecteur, parbleu, comme tout le monde ici. On commence toujours comme ça. Mais sur 100, il y en a un qui réussit, 2 qui changent leur fusil d'épaule, 10 qui repartent plus gueux qu'auparavant, et le reste, il laisse sa peau. J'ai bien failli être de ceux-là. Vraiment ? Fit Jane, toujours désireuse de s'instruire. Tel que tu me vois, mon petit, reprit Marius, je suis marin. Un marin de Marseille, en France. J'avais déjà roulé ma bosse dans les 5 parties du monde quand je me laissais embobiner par un sacripant que j'eus le malheur de rencontrer à Vancouver où j'étais en relâche. À l'entendre, il n'y avait qu'à se baisser par ici pour ramasser des pépites grosses comme la main. Nous partîmes tous les deux. C'est mon pécule, naturellement, qui paya le voyage, et naturellement toujours, je ne trouvais ici que misère. Je n'avais plus que la peau et les os, et ma bourse n'était guère plus grasse quand le mécréant qui m'avait entraîné m'abandonna pour une nouvelle dupe. Cela me permit de réfléchir, et comme Marius n'est pas plus bête qu'un autre, il ne tarda pas à comprendre que tout ce qu'un mineur gagne au Klondike reste au Klondike, dans les tripots, dans les cabarets et dans les magasins où l'on vend 100 francs ce qui coûte ailleurs 100 sous. Je résolus donc de me faire cabaretier et marchand, et je m'applaudis de mon idée, conclut Marius Roubert en se tapotant le ventre avec satisfaction, car ma bourse et moi, nous nous sommes arrondis de compagnie. On arrivait en haut de la côte. Marius arrêta sa voiture. « Décidément, tu ne veux pas. »« Décidément, non, » dit Jane Edgerton. « Tu as tort, » soupira Marius, qui rendit la main à son cheval. Mais presque aussitôt, la voiture s'arrêtait de nouveau. « Il ne sera pas dit que je t'aurai laissé sur la route coucher à la belle étoile. Marius est assez riche pour rendre service à un petit gars comme toi. Où vas-tu ? » ?»« Je vous l'ai dit, devant moi. »« Devant toi, devant toi. »« Tu peux aller longtemps devant toi. Il n'y a pas un seul cri que sérieux à Fort Kedai. » Veux-tu que je te conduise jusque-là ? En voiture ? En voiture. Comment donc ? J'accepte avec reconnaissance, se hâta de répondre Jane, ravie de la proposition. Ouste alors, monte vite, et Nigo qui s'en dédie ! Grâce à cette aubaine inespérée, Jane vit le début de son voyage singulièrement abrégé. Le cheval avait le trot allongé. Le 4 juin, à 1 heure fort tardive, il est vrai, il s'arrêtait à la porte du magasin de Marius Roubert. Celui-ci ne se fit pas faute alors de réitérer ses propositions d'embauchage. Ses 36 heures passées avec son jeune compagnon avaient augmenté la sympathie qu'il avait tout de suite ressentie pour lui. Son insistance fut vaine. Jane Edgerton entendait exécuter ses projets et elle se remit en marche dès les premières heures de la journée du 5 juin. Un affluent du Yukon lui barra bientôt la route. Elle l'obliqua au sud-ouest et sans même connaître le nom de cet affluent, en remonta à la rive droite. Toute la journée, elle marcha. Tantôt le chemin suivait le bord même du creek, tantôt le caprice d'une montée l'en écartait, et l'eau n'était plus visible alors qu'au bas de ravins des vallons en pente plus ou moins raides. Jane ne manquait pas de s'engager dans ces ravins et les descendait consciencieusement jusqu'au bout. Peut-être, dans l'un d'eux, trouverait-elle un coin favorable négligé par ceux qui l'avaient précédé. Mais la fin du jour approcha sans que son espoir fût réalisé. Tout le sol était ou occupé ou jalonné de poteaux qui le transformaient en propriété régulière. Pas un pouce de terrain qui fût res nullius. Les claims succédaient aux claims sans autre interruption que les points inaccessibles ou manifestement stériles. D'ailleurs, Jay ne songeait pas à s'étonner de son échec. Comment aurait-il pu en être autrement dans ce pays parcouru par une foule de mineurs et déjà mis en coupe réglée? Ce n'était plus un désert qui l'entourait. De tous côtés, on travaillait, et l'invraisemblable eût été que la moindre pépite ait pu échapper à la sagacité des innombrables chercheurs. Il fallait aller plus loin, voilà tout. Elle irait donc plus loin, et autant qu'il serait nécessaire. Vers le soir, un nouveau ravin s'ouvrit à droite de la route. Jane s'y engagea comme elle l'avait fait pour les précédents, et descendit vers le creek en examinant soigneusement le terrain d'alentour. D'aspect plus rude et plus sauvage que les autres, ce ravin ne gagnait la rive qu'au prix de nombreuses sinuosités. Au bout de 100 pas, Jane avait perdu la route de vue et n'avait plus devant elle qu'un sentier resserré entre 2 hautes murailles de roches et coupé à chaque instant par de larges et profondes crevasses. Elle se trouvait précisément au bord de l'une de ces excavations et se préparait à la franchir, quand, à un détour du sentier, surgit, à 20 mètres d'elle, un homme dont l'aspect la fit frissonner. C'était une sorte de géant, un colosse hirsute, haut de 6 pieds ou approchant. La tignasse rouge qui retombait sur son front en mèche épaisse et frisée lui donnait un air bestial qu'aggravait le surplus du personnage. Nez camu, oreilles écartées, lèvres lipues, vastes mains couvertes de poils roux, gros souliers culés au-dessus desquels flottaient les restes d'un pantalon en loque, c'était une brute sans conteste, mais à coup sûr une brute dont la force devait être prodigieuse. En s'apercevant mutuellement, Jane Edgerton et l'homme s'étaient arrêtés sur place. Celui-ci sembla d'abord réfléchir, dans la mesure du moins où une telle occupation pouvait lui être permise. Puis il se remit en route d'un pas de bœuf, lourd et solide. À mesure qu'il s'avançait, Jane voyait plus nettement les traits de son visage, et tandis qu'elle en discernait mieux l'aspect féroce, l'inquiétude tout de suite conçue grandissait. En quelques secondes, l'homme parvint à la crevasse au bord de laquelle Jane s'était immobilisé, comme pour s'en faire éventuellement une défense. Là, il fit halte de nouveau. Aucun doute n'était désormais possible sur ses intentions. Le regard torve de ses yeux injectés, le rictus qui découvrait ses dents, ses poings énormes crispés pour l'attaque, tout criait la folie du meurtre. Jane saisit son revolver et l'arma. Comme s'il eût raillé une telle arme maniée par cette main d'enfant, l'homme, de l'autre côté de la crevasse, haussa les épaules, ricana, ramassa rapidement et lança avec violence une pierre qui, d'ailleurs, manqua son but, puis se jeta corps perdu dans la coupure qu'il était de taille à franchir en 3 bonds. Jane attendait froidement l'ennemi afin de tirer à coup sûr. Il n'en fut pas besoin. Dès son premier pas, le géant, glissant sur un caillou, s'était écroulé en poussant un véritable hurlement. Il ne se releva pas. Qu'était-il arrivé? Jane n'y pouvait rien comprendre. L'assaillant n'était pas mort. Sa poitrine se soulevait en effet par saccades et des plaintes s'échappaient de ses lèvres. En tout cas, puisqu'il était hors de combat, le mieux était de remonter le ravin, de regagner la route et de s'enfuir au plus vite. Un gémissement plus profond arrêta Jane dans sa retraite et ramena son attention sur son adversaire terrassé. Celui-ci était méconnaissable. Les lèvres lipues s'étaient rapprochées et n'avaient plus rien de féroce. Les yeux, tout à l'heure sanglants, n'exprimaient plus qu'une intolérable douleur. Le gros poing s'était ouvert et la main se tendait maintenant en un geste de prière. L'assassin sur le meurtre s'était, comme par un coup de baguette, transformé en un pauvre diable en proie à la plus affreuse misère et devenu subitement plus faible qu'un petit enfant. « Me laisserez-vous donc mourir ici ? » dit-il d'une voix rugueuse, en assez bon anglais. Jane n'hésita pas. Toute la pitié de la femme s'éveilla dans son cœur. Délibérément, elle descendit dans la crevasse et s'approcha. « Ou bien, c'est donc que vous allez me tuer vous-même ? » gémit alors le malheureux, dont les regards éperdus se fixaient sur le revolver que Jane avait gardé à la main. Simplement, celle-ci remit son arme à la ceinture et continua d'avancer. « Que vous est-il arrivé ? » demanda-t-elle. « Qu'avez-vous ? » ?»« Quelque chose de cassé, pour sûr. Ça me tient là, et là. » répondit le blessé en montrant ses reins et sa jambe droite. « Laissez-moi faire. Je vais voir, » dit Jane en s'agenouillant. Délicatement, avec des gestes doux et précis, elle releva le bourgeron crasseux et le bas du pantalon effiloché. « Vous n'avez rien de cassé, » déclara-t-elle après examen. « Ce n'est qu'un effort causé par un faux mouvement, lorsque vous avez glissé. Dans un quart d'heure, vous irez mieux. » Sans s'occuper du risque qu'elle-même pouvait courir en se mettant ainsi à porter des larges mains naguère si menaçantes, elle donna méthodiquement ses soins. Massage intelligent, friction énergique, ventouse posée à l'aide du gobelet surmontant son bidon de prospecteur, un médecin n'eût pas fait mieux. Le résultat de ce traitement ne se fit pas attendre. Pour cruel que soit un tour de rein et un coup de fouet, ce sont là maux peu graves. Bientôt la respiration revint au blessé. Une demi-heure plus tard, incapable encore de se mettre debout, il était du moins assis, le dos appuyé contre un rocher et en état de répondre aux questions. « Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous ?» demanda Jane. Le regard du misérable n'exprimait plus qu'un immense étonnement. Que cet enfant qu'il avait voulu tuer le sauva maintenant, cela bouleversait toutes ses idées. C'est d'une voix timide qu'il répondit « Patrick Richardson, monsieur. Vous êtes anglais, américain, irlandais. Prospecteur ? Non, monsieur, forgeron. Pourquoi avez-vous quitté votre pays et votre métier ? Pas de travail, la misère, pas de pain. Et ici, avez-vous mieux réussi ? Non. Vous n'avez pas trouvé de claim ? Comment en aurais-je cherché ? Je ne connais rien à tout cela. Qu'espériez-vous donc ? Louer mes bras ? Eh bien, j'ai essayé. Les claims sont au complet pour l'instant. Où alliez-vous quand vous m'avez rencontré ? Dans l'Est, où je serais peut-être plus heureux. Et pourquoi vouliez-vous me tuer tout à l'heure ? Toujours la même chose, je meurs de faim, dit Patrick Richardson en baissant les yeux. Ah ! Fit Jane. Après un court silence, elle tira des provisions de son bissac. Mangez, dit-elle. Elle ne fut pas obéie sur le champ. Patrick Richardson, d'un regard de plus en plus obscurci, contemplait l'enfant qui venait ainsi à son secours. Le misérable pleurait. Mangez, répéta Jane. Le débile colosse ne se fit pas cette fois répéter l'invitation. Goulûment, il se jeta sur la nourriture offerte. Pendant qu'il dévorait, Jane observait son convive inattendu. Bien certainement, c'était un minus abince que Patrick Richardson. Ses oreilles écartées, son prognatisme presque aussi accusé que celui d'un nègre, signait son irrémédiable infériorité intellectuelle. Mais en dépit de sa tentative de violence, ce ne devait pas être un méchant. À n'en pas douter, Jane avait devant elle un de ces déshérités du sort, un de ces êtres de misère, épaves des grandes villes, qu'un implacable destin rejette constamment au ruisseau où ils sont nés. En dernière analyse, ses grosses lèvres exprimaient la bonté, et ses yeux bleus avaient un regard naïf plein d'une douceur étonnée. C'était peut-être la première fois qu'il trouvait un peu de compassion sur la dure route de la vie. Quand Patrick fut restauré, Jane avait achevé ses réflexions. « Si cela vous convient, je vous prends mon service, » dit-elle en le regardant fixement. « Vous ?»« Oui, vous aurez $10 par jour, c'est le prix du pays. Mais je ne vous payerai que plus tard, lorsque j'aurai récolté assez d'or pour pouvoir le faire. En attendant, à titre d'acompte, j'assurerai votre nourriture et à la première occasion, je vous habillerai d'une manière plus confortable. Ces conditions vous vont-elles ? » Patrick saisit la main de Jane et y appuya ses lèvres. Il n'était pas besoin d'autre réponse. Ce n'était pas un serviteur que Jane allait avoir en sa personne, c'était un esclave, c'était un chien. « Maintenant, reprit-elle, il s'agit de dormir. Je vais tâcher de faire un lit de feuilles sur lequel vous vous étendrez. Demain, il ne sera plus question de votre accident. » Le lendemain, en effet, après quelques nouvelles passes de massage, Patrick put se remettre en route de bon matin. Certes, la douleur lui arracha plus d'une grimace quand un mouvement involontaire lui contractait les reins ou la jambe. Il réussit toutefois, en s'appuyant sur l'épaule de son maître, à remonter le sentier sans trop de peine et à regagner la route. Et c'était, en vérité, un bizarre spectacle que celui de ce colosse, dont l'aspect rappelait celui d'un ours de grande taille, guidé et protégé par cet adolescent qui compensait la faiblesse de ses muscles par la fermeté de son âme. La marche rendit par degrés l'élasticité aux membres de Patrick, et bientôt le singulier couple adopta un train plus rapide. Un peu avant midi, on fit halte pour le déjeuner. Jane commença à concevoir quelque inquiétude, en voyant de quelle manière son compagnon faisait disparaître les provisions. Ce grand corps était un abîme qu'il serait bien onéreux de combler. Vers le soir, un nouveau ravin s'ouvrit sur la droite de la route. Jane et Patrick s'engagèrent dans cette coupée plus large que les précédentes et les descendirent jusqu'à la rivière. À mesure qu'il en approchait, le ravin s'agrandissait. Sa largeur ne devait pas, au bas de la pente, être inférieure à 500 mètres. Là, sa surface était divisée en deux étages bien distincts, le plus haut en amont, le plus bas en aval, par une énorme barrière de rochers perpendiculaire aux criques et presque exactement horizontale, barrière qui, sortie du talweg du ravin, se terminait à la rive en un éperon haut d'une dizaine de mètres. Jane examinait l'étage inférieur où le hasard l'avait conduite. C'était la pente régulière du sol de cette partie du ravin qui faisait la hauteur de la barrière de rochers élevés vers l'amont. Ce sol était percé de nombreux puits, plus ou moins comblés par les éboulements, et de tous côtés on apercevait les débris d'un outillage d'orpailleur. C'était manifestement l'emplacement d'un ancien claim. Que ce claim fût abandonné, nul doute à cela. L'état des puits et du matériel le prouvait avec évidence, et d'ailleurs, aucun piquet n'en délimitait l'étendue. Il pouvait être intéressant, cependant, le plus gros du travail étant fait, d'en reprendre l'exploitation, et Jane décida qu'elle ferait en cet endroit sa première tentative. Dès le lendemain, les objets les plus essentiels, seaux, plats, écuelles, achetés à haut prix dans le voisinage, Patrick attaquait sur son ordre le déblaiement d'un puits, et moins de 24 heures après, commençait à en laver les boues, tandis qu'elle-même s'occupait des formalités nécessaires pour obtenir la pose des poteaux indicateurs et pour s'assurer la possession du claim. Ces formalités furent accomplies en moins de 3 jours, mais au même moment qu'on jalonnait son claim auquel on attribuait le numéro 127 bis, Jane était obligée de reconnaître que s'il contenait de l'or, ce n'était qu'à dose infinitésimale et qu'elle n'avait aucune chance d'y faire ample récolte de pépites. Malgré le travail acharné de Patrick, il ne pouvait, en raison sans doute de leur inexpérience, laver à 2 par 24 heures plus d'une centaine de plats, dont le rendement moyen n'excédait que très peu à 1/10 de dollar. C'était bien juste de quoi payer le serviteur qu'elle avait engagé et assurer sa subsistance personnelle. Si la situation ne s'améliorait pas, elle se retrouverait aussi pauvre à la fin qu'au commencement de l'été. Avait-elle donc eu tort de s'arrêter en cet endroit? N'aurait-elle pas dû pousser plus loin et passer la frontière, dont, ainsi qu'elle avait appris lors de sa demande de concession, 500 à 600 mètres tout au plus la séparaient? Jane avait appris autre chose. Elle connaissait maintenant le nom de la rivière bordant le claim, où elle s'essayait au dur métier de prospectrice, le Forty Miles, ce même creek sur la rive duquel était situé le claim 129, voisin du sien, et qui se trouvait sûrement là, derrière cette colline fermant le ravin au sud-est. Fût-ce en raison d'un espoir confus, fût-ce par simple entêtement de réussir dans la chose entreprise, Jane, en tout cas, ne voulut pas s'avouer vaincue avant d'avoir lutté jusqu'au bout, et plus que jamais, s'acharna à laver le plus grand nombre possible de ces plats qui lui donnaient un si maigre profit. Une après-midi, le 11 juin, elle était, ainsi que Patrick, absorbée comme de coutume dans son travail, au point de n'oublier le reste du monde, quand elle fut interpellée ex abrupto par une voix bien connue. « Oserais-je, mademoiselle, m'informer de votre santé ? Monsieur Skim ! » s'écria-t-elle, toute rose d'un plaisir qu'elle ne cherchait pas à se cacher. « Lui-même, » dit Sammy, en serrant chaleureusement la main qui lui était tendue. « Ma santé est excellente, Monsieur Skim, » reprit Jane. « Et celle de votre claim, mademoiselle ? Puisqu'aussi bien vous avez un claim à ce que je vois. « Je vous avouerai, Monsieur Skim, que je n'en suis pas enchanté, » reconnut Jane moins gaiement. « C'est à peine si je recueille de 10 à 12 cents au plat. À peine de quoi payer mes frais. »« Triste résultat, » fit Sammy Skim, qui d'ailleurs ne semblait pas autant m'affecter d'un tel malheur. « Quels sont vos projets ?»« Je ne sais, » dit Jane, « aller plus loin. Quitter sans doute ce mauvais claim qui m'a coûté plus qu'il ne vaut ou un malheureux hasard m'a conduite. »« Un hasard, » insista Sammy. « Vous ignoriez donc être notre voisine ?»« Je l'ai appris il y a quelques jours. Mais quand je me suis arrêté ici pour la première fois, j'ignorais que ce creek fût le Forty Miles et que votre propriété se trouvât de l'autre côté de cette colline. »« Ah bah !» fit Sammy, désappointé. Après un instant de silence, il reprit. « Pourquoi, mademoiselle, ne profiteriez-vous pas de ce hasard, puisque hasard il y a ? Avant de vous enfoncer dans les déserts de l'Alaska, il serait bon, ce me semble, d'étudier à fond le coin que vous avez d'abord choisi. Je ne vous offre pas mon concours, car je suis trop ignorant de ces sortes de choses. Mais à 500 mètres d'ici, il y a mon cousin Ben Raddle, un ingénieur comme on n'en rencontre pas tous les jours, et si vous le voulez. Un bon conseil est toujours le bienvenu, et j'accepterai volontiers ceux de M. Ben Raddle, dit Jane. Quand il aura examiné mon claim, il verra lui-même ce qu'on en peut espérer. C'est donc convenu. Mais, mademoiselle, permettez-moi une question, en attendant si elle n'est pas trop indiscrète. Elle ne l'est pas, affirma Jane à l'avance. C'est que je ne vois pas trace de la moindre bicoque ici. Où donc dormez-vous pendant la nuit ? En plein air, tout simplement, répondit Jane en riant. Un lit de feuilles, un oreiller de sable. On dort merveilleusement ainsi. Ce mesquim ouvrait de grands yeux. En plein air ? Se récria-t-il. Vous n'y songez pas, mademoiselle, c'est d'une imprudence. Que non pas, dit Jane. J'ai deux gardiens, monsieur Skim. Deux gardiens ? Voici l'un, expliqua Jane, en indiquant le revolver passé à sa ceinture. « Et voici l'autre !» ajouta-t-elle en montrant Patrick Richardson, qui, à quelques distances, considéra avec surprise le nouveau venu. Samy ne paraissait qu'à demi rassuré. « Ce sauvage ? » répliqua-t-il. « Certes, il est de taille à vous défendre, mais c'est égal. Vous feriez bien mieux, le travail terminé, de franchir cette colline et d'accepter l'hospitalité que mon cousin et moi serions si heureux de vous offrir. » Jane secoua négativement la tête. « Vous avez tort, mademoiselle, vous avez tort, » insista Samy. « Croyez-moi, ce serait plus sûr. Et même si ce n'était pas plus sûr, ce serait du moins plus convenable. » conclut Samy Skim, brûlant ses vaisseaux. Jane Edgerton fronça les sourcils. De quoi se mêlait ce monsieur Skim ? Elle allait vertement répliquer et clouer l'indiscret conseiller par une de ses coutumières sorties sur l'égalité des sexes. Elle n'en eut pas le courage. Samy, qui n'osait plus la regarder en face, avait un air bizarre, à la fois furieux et déconfit, qui lui donna à réfléchir. Ses lèvres esquissèrent un malicieux sourire aussitôt réprimé, puis lui tendant la main. « Vous avez raison, monsieur Skim, » dit-elle sérieusement. « J'accepte l'hospitalité que vous avez la bonté de m'offrir. » « Bravo !» applaudit Samy. « Dans ce cas, soyez bonne jusqu'au bout, mademoiselle. Terminez votre journée un peu plus tôt aujourd'hui et acceptez-la tout de suite, cette hospitalité. Vous me raconterez vos aventures en route et dès demain, Ben viendra visiter votre claim. » « Comme vous voudrez, » concéda Jane, qui appela « Patrick !»« Monsieur Jean ?» répondit l'Irlandais. « Assez travaillé pour aujourd'hui. Nous allons au claim 129. »« Bien, monsieur Jean. Ramasse les outils et passe devant. »« Oui, monsieur Jean. » fit le docile Patrick, qui chargeait des écuelles, des plats, des pics et des pioches, attaqua pesamment la pente de la colline à distance respectueuse de Jane et de Samy. « Monsieur Jean, » interrogea Samy, « ils vous prendront pour un homme ?»« Comme vous voyez, monsieur Skim, grâce à mon costume de mineur. » Samy considéra le vaste dos du géant qui marchait devant lui. « C'est une brute, » affirma-t-il avec une si profonde conviction que, sans savoir exactement pourquoi, Jane Edgerton éclata de rire.